Y'a les choses devant toi voilées. Dure t'aller loin si la roue est voilée. Déguste la vie, le ciel étoilé. Tu vois des signes, mon frère toilé. Au début, elle avait un penchant pour toi. Tu la sortais toujours de mille sur toi. À force de te montrer, tu as tous les regards sur toi. Tu gères plus qu'à pucher alors qu'il y a des condés sur le toit. Sur tous les pochons, tu laisses des empreintes de doigts. Elle te fait tourner la tête, tu crois qu'elle est dingue de toi. Tous les soirs en boîte de nuit, tu mènes une vie d'aloca. Tu crois qu'elle est seule au lit, à t'attendre au calme. Des tonnes de vis, elle prend pour un âne. Tu vois qu'elle te manque, gros, elle t'emboucane. Y'a les choses devant toi voilées. Dure d'aller loin si la roue est voilée. Déguste la vie, le ciel étoilé. Tu vois des signes, mon frère, croilé. Y'a les choses devant toi voilées. Dure d'aller loin si la roue est voilée. Déguste la vie, le ciel étoilé. Tu vois des signes, mon frère, croilé. Tu tombes amoureux d'elle, tu rentres en prison, tu vois le mal. Tu la demandes au parloir, elle ne te répond plus, elle parle mal. Pendant que tu galères pour manger, tu apprends qu'elle m'a plus fait des boussards. Tu pètes les plans, c'est lui, tu dis pourquoi il m'arrive tout ça. Elle s'est taillée en traite, tu aurais pas cru ça ton meilleur pote. Si t'écoutes pas ta mère, ouais mon pote, ben c'est ta faute. Malgré ton cœur cassé, la vie continue, tu fais ta peine. Dans deux jours, tu sors ton parcours à voir, il fait de la peine. Y'a les choses devant toi voilées. Dure d'aller loin si la roue est voilée. Déguste la vie, le ciel étoilé. Tu vois des signes, mon frère, croilé. Y'a les choses devant toi voilées. Dure d'aller loin si la roue est voilée. Déguste la vie, le ciel étoilé. Tu vois des signes, mon frère, croilé. Y'a les choses.